tu es l'aimant des sentiments. Toute personne qui t'approche devient tienne dans son morceau de son être. Ta présence pleine de vie est le tourment de mon âme. J'aimerais te serrer contre moi et que tu puisses penser pour moi. Je veux croire en nous. Si tu acceptes, tout sera si simple. Nos vies, si elles se mélangent, pour s'épanouir. Et nos mauvaises peurs s'évanouir. Dans tes instants de tristesse, je pourrai te servir, te soutenir, et j'en serai fier. Quel plus beau cadeau qu'une confidence, qu'un acte de confiance. Mais moi, comment puis-je prétendre au but que tu es? J'aimerais aussi te faire tourner la tête, être la cause de tes hilarités, le vent qui caresse la mer dans le calme après une tempête. Si tu savais, je renonce à dormir tant que ma page n'est pas pleine. Car vu que je ne vis que pour toi, à quoi rimerait d'avoir la flemme? Qui tue tranquillement, je n'accepte qu'une mort, celle que tu me donnes, alors que je n'ose pas te demander la vie. Si je pouvais voir les fleurs qui nourrissent tes yeux et que tu donnes aux gens que tu apprécies, je comprendrais sûrement les mille et un signes qui annoncent le bonheur et qui veulent dire que deux personnes s'aiment. Voilà le premier mot de mon second poème. Tu ne sais toujours pas que je t'aime. Moi encore, c'est ton regard, ton être qui, par sa grâce, me brûle de frissons glaces, qui me consume lentement. J'ai besoin de toi car je t'aime et que mon corps et mon âme ont besoin d'être comblés. C'est un vide qui se forme dans ma vie, un regard que je perds, c'est dans les autres que je sais de te retrouver, de t'imaginer près de moi. Et pourquoi sentir si il est là, ton amour pour toi maintenant? Je damnerai mon âme pour le simple espoir de pouvoir te voir, t'embrasser la main. Je marcherai pour me rapprocher de ta vie qui est mon but. Est-ce une toile imaginaire où je m'engourdis l'esprit, ou simplement un vrai sentiment qui m'appelle, me crie de venir vers toi? Mon espoir fut nourri car j'ose te voir. Tu me donnes envie d'être avec toi, et plus ça va, plus l'envie me vient chaque moment avec toi. On invoque mille autres, ainsi va mon amour qui se multiplie calmement. C'est un vortex qui grossit furieusement et qui mange mon âme au fur et à mesure de mes tourments. Me reviendras-tu un jour, femme que j'aime, où ton envie est ailleurs? Et je m'en irai déçu de ne pas être à ta hauteur. Qui suis-je pour vouloir la reine du royaume de l'amour? Moi, simple apprenti du bonheur. J'espère que c'est pour toi qu'on s'aime. Ces larmes nous poussent des roses bleues, mais c'est en observant la rose que je perds presque espoir. Si l'amour est comme elle, comment faire si je te l'offre? Je la coupe, et si elle est coupée, elle agonise. comment me le pardonner, alors que l'éternité lui a été promise. J'ai déjà une de ces roses bleues dans ma chambre. Elle est sèche, son agonie est morte, mais elle reste belle. Et on ne la croirait pas fanée. Ses reflets de bleu et de blanc démontrent son éternité. Cara ce sera ce sera-ce pareil pour toi. Sera-ce si je te cueille. Je n'ai pas envie d'être avec une carcasse au cœur fané. Ta beauté ne me servira à rien sans ton amour. Ce n'est pas avec un corps que l'on sort, mais avec les âmes unies par l'amour. Courage, ah, bon espoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je dans ton vécu que pour ton infamie. Pardon.